DELF A2 Compréhension de l'oral 1 Salut à toutes et à tous sur Radio 1520 FM. Comme tous les samedis, on répond à vos questions. Et nous avons un premier appel en ligne. C'est Sarah, je crois. Allô, Sarah ? Allô, salut Karim. Je t'écoute, Sarah. Voilà, j'habite Montpellier et j'ai connu un type super sur un chat d'internet. Et quel est le problème ? J'aimerais bien le voir pendant les vacances d'été. Et le problème, c'est quoi ? Bon, ben, mes parents, ils disent que c'est pas normal de rencontrer quelqu'un par Internet. Et puis, bon, en plus, il habite très loin. Il est d'où ? Il est de Lille, c'est presque à 900 km. Ouais, t'as raison, c'est un peu loin. Oui, mais alors, qu'est-ce que je peux faire ? Écoute, peut-être que tu pourrais commencer par lui téléphoner, pour le connaître un peu plus. Et après, peut-être que tes parents vont accepter que tu le rencontres. Ah, ben t'as raison. Je l'appelle ce soir. Merci beaucoup, hein, Karim. À plus. À plus. 2. Nous avons un deuxième appel. Allô ? Oui, bonjour. Je m'appelle Cédric. T'appelles d'où, Cédric ? Je suis de La Rochelle. Et c'est quoi ton problème ? Eh ben, j'ai 17 ans et je veux m'acheter une moto avec mes économies, mais mon père n'est pas du tout d'accord et il se fâche. Il dit que c'est trop dangereux. Bah, tes parents sont inquiets. C'est normal. Mais tu peux essayer de parler avec eux et de leur faire comprendre que tu seras prudent. Ah, tu crois ? Ouais, essaye. Tu verras. Bon, ben, ok. À bientôt. 3. Maintenant, nous avons Gwenaëlle qui nous appelle de Saint-Nazaire. Bonjour. Salut Karim, elle est super ton émission. Merci. Bon alors, moi aussi j'ai un problème avec mes parents. Ah, les parents. Allez, vas-y, explique-nous. Eh ben voilà, quand j'avais 12-13 ans, ils ont commencé à me donner de l'argent de poche. Mais bon, j'ai 18 ans maintenant et ce qu'ils me donnent, eh ben, c'est plus suffisant. Et ils pensent que j'exagère ou que je vais dépenser mon argent dans des choses inutiles. Tes parents doivent comprendre que tes besoins sont plus les mêmes. Mais peut-être que tu pourrais faire un effort de ton côté. À ton âge, il y a des jobs de vacances. Si tu travailles un peu pendant les vacances, tu auras plus d'argent. Et comme ça, tu ne dépendras plus de tes parents. Oui, mais j'aime bien les vacances pour me reposer. Enfin bon, c'est peut-être une idée. Merci. Ciao. Ciao. 4. Nous avons un dernier appel de Grenoble, je crois. Oui, c'est Benoît. Salut à toute l'équipe. Salut. Allez, Benoît, dis-nous tout. Bon, ben, moi, mon problème, c'est que mes parents ne veulent pas que je parte en vacances avec mes copains. C'est quoi, votre projet ? Ben, on a prévu d'aller faire du camping dans le Larzac. Et c'est moi le plus jeune. T'as quel âge ? Ben, j'ai presque 16 ans. C'est normal que tes parents s'inquiètent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas te laisser partir en vacances. Essaye de savoir pourquoi ils ont cette réaction. Est-ce qu'ils connaissent tes copains, par exemple ? Tu pourrais les présenter. Ah, présenter mes copains, c'est une bonne idée. Mais je ne sais pas s'ils vont changer d'avis. Enfin, merci quand même. Allez, à plus, Karim. Salut.